Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sûr Fadjet 94.2 et Fadjet.net. On se retrouve avec plaisir pour cette journée spéciale Noël. Nous sommes le dimanche 25 décembre, il est 14h sur Fadjet. Et c'est parti pour une émission qui se veut divertissante. Nous allons évidemment écouter beaucoup de musique. Et puis on va aussi vous raconter des traditions de Noël qui se sont déroulées, qui se déroulent toujours dans le monde entier, que ce soit dans le nord de l'Europe ou jusqu'en Australie. Vous verrez, c'est une émission très joyeuse qui a été conçue par le groupe Solidaire Actif de l'association Arelia avec toute l'équipe de Fadjet. Voilà, et bien sans plus tarder, on commence tout de suite notre Noël autour du monde et on se retrouve dans une heure pour cette fois-ci une petite Christmas party. A tout à l'heure. Joyeuse Sainte Lucie. Si le 13 décembre est un jour comme les autres, dans beaucoup de pays, en Suède, il marque le début de la saison de Noël. Il est considéré comme un symbole d'espoir et de lumière à la période la plus sombre de l'année. Ce jour-là, chaque ville choisit sa Sainte Lucie, qui guidera un cortège composé de jeunes filles et garçons habillés en toge blanche et portant une bougie. À la Sainte-Lucie, on se régale avec les Lucekatz, j'espère que je prononce bien, de petits pains au safran, et le Glögg, un vin chaud suédois. Appétissant, n'est-ce pas ? Christmas time again. Decorations are all hung by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives haven't seen them in a long, long time. Yeah, I kinda missed them. I just don't wanna kiss them, no. And it's Christmas all over. Little kids come get down, and Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. Merry Christmas time. Come and find. Happy and nearby your fire. I hope you have a good one. I hope Mama gets the shopping done, and it's a Christmas all over let's see. Ho ho ho ho! Joyeux Noël sur Fadjet! Joyeux Noël! Dans le nord du Portugal, une autre tradition de Noël est intéressante, la Festa dos Rapazes. Cette fête est un rite de passage pour les garçons. Pour participer, ils doivent avoir plus de 16 ans, être célibataires et n'avoir jamais participé avant. Entre Noël et l'Épiphanie, ils vont de maison en maison, portant de beaux masques, demandant des dons ou de la nourriture et jouant de la musique. Après quoi, ils sont considérés comme des hommes. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Quand est-ce que débute réellement la saison de Noël? Certains disent le 1er décembre, d'autres après la Toussaint et aux Philippines dès le 1er septembre. Dès la rentrée, vous pouvez donc entendre les chansons de Noël dans les magasins et à la radio. Les Philippins adorent célébrer Noël et profitent de cette période pour se rassembler en famille et entre amis en partageant de bons plats. Une de leurs traditions de Noël consiste à suspendre des lanternes de bambou en forme d'étoile dans les rues. Celle-ci symbolise l'étoile guidant les rois mages. Pendant les fêtes de Noël, les Philippins mangent également un gâteau de riz au petit déjeuner. Celui-ci est traditionnellement préparé dans un plat en argile qui cuit et ensuite au charbon de bois ou charbon pendant plusieurs heures. La cuisson au four est également courante si vous souhaitez le déguster chez vous. Joyeux Noël! Oh, baby, I can't wait. Spend the special time of year with someone who makes me feel the special way that you do. Into my eyes, and I will tell you truthfully that I don't need no Santa Claus to hear my Christmas wish. I got you in my arms, and what could be a better gift than to spend my very favorite time of year with the one I really love so dear. À tous sur Fadjet. Joyeux Noël! Qui dit Italie dit également gastronomie. Chaque région possède ses spécialités de Noël et chaque famille se propose deux desserts particulièrement populaires sur la table italienne. À cette époque de l'année, le panettone, originaire de Milan, et le Padoro de Vérone. Thank you. Joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux Noël. Avez-vous une idée de comment on célèbre Noël en Croatie? L'une des traditions de Noël les plus originales débute le 13 décembre, jour de la Sainte Lucie. Chaque famille sème des graines de blé dans des petits pots ou plats et s'en occupe jusqu'au 24 décembre. La veille de Noël, la plante, ou blé de Noël, est placée au pied du sapin. La légende veut que le blé pousse, plus l'année sera prospère. À cette époque de l'année, les Croates se délectent de fritules, des petits beignets frits à base de rhum et de citron saupoudrés de sucre ou recouverts de chocolat. Les stars du repas de Noël ? Les sarmes, des rouleaux de feuilles de chou fourrés d'un savoureux mélange de viande et riz, ainsi qu'un assortiment de saucisses de porc. Cependant, la tradition de Noël la plus importante est de brûler une bûche le soir du 24 décembre qui, dans l'idéal, ne devra s'éteindre que le lendemain, jour de Noël. Petite coutume locale en dérive, comme celle d'arroser la bûche de vin avant de la brûler. Les fêtes de Noël s'achèvent officiellement le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, où les sapins et autres deux décorations de Noël sont enlevés. Try to imagine a house that's not a home. Try to imagine a Christmas all alone. That's where I've been since you left. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place to go. It will be lonely this Christmas without you to hold. Lonely this Christmas, lonely and cold. It will be cold, so cold without you to hold this Christmas. Each time I remember the day you went away, and how I would listen to the things you have to say. I just break down as I look around. The only thing I see, all is emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. It will be lonely this Christmas without you to hold. Lonely this Christmas, lonely and cold. It will be cold, so cold, without you to hold this Christmas. You remember last year, darling, when you and I were here? We never thought there'd be an end. And I remember looking at you And I remember thinking, this Christmas must have been made for us. Yes, darling, this is the time of the year you really, really need love. And it means very, very much. It will be lonely this Christmas without you to hold. Lonely this Christmas, lonely and cold. It will be cold, so cold, without you to hold this Christmas. It will be lonely this Christmas without you to hold. Lonely this Christmas, lonely and cold. It will be cold, so cold, without you to hold this Christmas. It will be lonely this Christmas without you. Joyeux Noël à tous sur Radio Fadjet. Savez-vous qu'en Hongrie, ils n'installent pas le sapin de Noël chez eux avant le 24 décembre? Les adultes se chargent parfois de le décorer et racontent aux enfants que des anges sont venus le leur apporter. Comme dans de nombreux pays en Europe de l'Est, la Hongrie fait d'abord la Saint-Nicolas, appelée Mikulás, si je le prononce bien. Le 6 décembre, avant l'arrivée de Télope, le Père Noël. Cependant, ce n'est pas lui qui apporte les cadeaux, mais le petit Jezuska. Que trouve-t-on sur les tables hongroises à Noël, à votre avis? Le plat le plus typique est le halászlé, une soupe de poisson épicée au paprika. Pour le dessert, on déguste une part de bagli, sorte de gâteau roulé aux graines de pavot. I'm looking for you on Christmas Eve. All over the world the angels sing. But I'm feeling lost, can you save me? I'm looking for you on Christmas Eve. I'm looking for you on Christmas Eve. Can't see in this darkness, so in need of forgiveness. Before all of my faith dies, show me the way like a northern light. Come find me, 'cause I can't find myself. I'm looking for you on Christmas Eve. All over the world the angels sing. But I'm feeling lost, can you save me? I'm looking for you on Christmas Eve. I'm looking for you on Christmas Eve. Don't know how I 'cause I can't find myself. I'm looking for you on Christmas Eve, all over the world the angels sing, but I'm feeling lost, can you save me? I'm looking for you on Christmas Eve. I'm looking for you on Christmas Eve. I'm looking for you on Christmas Eve. Alors, direction l'Allemagne à présent. Le 6 décembre est le deuxième jour le plus important de la saison après le 24 décembre. La veille au soir, les enfants ont laissé leurs chaussures devant la porte d'entrée et pendant la nuit, Saint-Nicolas, ou Nikolaus en allemand, les a remplis de bonbons, de fruits et de petits gâteaux. Le cadeau principal sera lui offert par les parents le 24 décembre au soir, apporté officiellement par le Weihnachtsmann, donc le Père Noël en allemand, une autre tradition de Noël en Allemagne. Maintenant, à présent, donc c'est la couronne de l'Avent, composée de 4 bougies que vous retrouverez dans presque toutes les maisons. Chaque dimanche de l'Avent, une nouvelle bougie est allumée jusqu'au jour de Noël. Quant au sapin, celui-ci fait son arrivée dans les maisons à partir du 24 décembre uniquement. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. Good night. l'équipe de Fadjet vous souhaite de joyeuses fêtes. Une drôle d'anecdote en Australie. Les paroles des chansons de Noël sont souvent modifiées afin de remplacer les mots en lien avec la neige et l'hiver par des expressions typiquement australiennes comme « good on you », « bien joué », « aussi », diminutif d'Australie, « no worries », « pas de soucis » ou enfin « togs », « maillot de bain » ou encore « Barbie », « barbecue ». Ça tombe bien, Noël est en début de l'été là-bas et il fait entre 20 et 34 degrés. It's the one month of the year to live. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait Noël en Australie ? Coïncidant avec le début de l'été, Noël en Australie est synonyme de soleil, de barbecue et de longues journées à la plage. De fait, de nombreuses familles australiennes dégustent un dîner de Noël froid ou un barbecue de fruits de mer le 25. Sans surprise, les marchés aux poissons sont donc généralement bondés le jour de Noël. Le jour suivant, connu sous le nom de Boxing Day, les Australiens se réunissent entre amis afin de profiter d'organiser un autre délicieux barbecue à la plage. Little things like my gentle touch. It's amazing, darling, that so little can achieve so much. Little things like your sleepy smile. As a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning. And why don't we stay in bed for a while? Soon enough they'll be waking up from their dreams. Children bursting with giggles and screams. Oh, what joy Santa brings. Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Little things like your naughty eyes. You'd consider bringing me a breakfast tray, but there's a price. Little things like that happy noise. As a brand new day is dawning on this lovely Christmas morning, it's our children playing. Moments of happiness and of bliss. Does it ever get better than this? Oh, what joy Santa brings. Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Thank you, dear old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. There be peace, peace to every nation. Let there be hope for all the world to see. Let there be love and joy to all the children. Let there be peace on earth for you. There'd be no more tears for crying, no more wars for fighting, and every mother's child would have enough to eat. So when I get down on my knees to pray, I ask the Lord above to light the way, and let there be peace, peace to every nation. Let there be hope. Wasting the life that the good Lord gave me. There's somebody L'équipe de Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël en Italie est une période réellement magique, célébrée à travers toute la botte italienne. Les fêtes de fin d'année voient les rues et les maisons du pays se remplir de sapins de Noël et de crèches. Le saviez-vous, la crèche a été inventée en Italie au Moyen-Âge, dans la ville de Naples. C'est pourquoi qu'on l'appelle le Préciepe Napoletano.